Nous pourrons continuer l'étude là. On va rappeler donc qu'on a étudié l'importance que la parole de Dieu les gagne dans la vie petite Lio, importance Bible a gagné pour nous. Et la dernière fois, nous te voyons que la Bible est nécessaire pour formation nous, pour permettre que nous capables de grandir et nous voyons que l'indispensable pour nous, bah, la Bible priorité dans la vie nous. Nous avons déjà étudié que si bon Dieu pas dit un bagaille, ou pas capable de gagner la foi et développer pour bagaille ça. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il est nécessaire pour que nous capables et gagner la foi pour nous faire bon Dieu plaisir dans toute bagaille. Et la foi vient de ça nous lit dans la parole là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Si j'ai besoin de la foi, si j'ai besoin de la foi me grandir, si j'ai besoin de la foi m'augmenter, la foi me nourrir, c'est pas dans expérience la vie à vous m'aller faire la foi me grandir. Expérience la vie a pas bail la foi. L'apôtre Jacques expliquait que les épreuves de la foi donnent la patience. Donc c'est parce que la foi déjà que l'heure où testez la foi, où mettez la foi à l'épreuve, ça le produit, il produit la patience. Mais épreuve là pas bail la foi. Faut que non comme ça pendant. On a fait route ça ensemble, une série de petites informations, nous obligés de prendre, parce que nous t'ai joint tellement d'autres informations pendant des temps, qui fait que nous venons gagner et l'esprit nous, qui finit cuit en série de bagailles, mais il est nécessaire pour que nous capables de laisser parole là, lui-même fait travail là. Garantie nous gagnons, c'est que parole là assez puissante pour capable faire transformation. Là. Il dit dans Romains 12, faut que nous pas mouler vie nous avec ça nous est tout autour de nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toujours par exemple, son godet qui vient de l'eau sale la donne, ou alors mettez l'en bas un tuyau qui a vidé, plus de l'eau a tombé la donne. Ou est de l'eau sale qui n'a godé pour la psaute tomber, et jusqu'à ce que de l'eau propre là vienne remplacer totalement de l'eau sale. C'est exactement ça la Bible jouait, rôle ça que la Bible jouait dans la vie, lorsque moi laisser de l'eau parole là tomber dans comme, tomber dans comme, tomber dans oreille moi, finalement, toute saleté qui était dans la vie, toute saleté dans l'esprit, parole là, le pouvoir pour lui déplacer yo, retirer yo, et lui-même prend place là totalement dans le cœur. N'a continué comme on dit avec étude là et je dis, lui gagne des informations importantes que nous pralim toujours invité Kembe plumou, kembe kaye notou, pou kapab note, e sa va l permette ke ou retourne, ou medite, ou medite, ou medite, pou kapab kembe notyon sa. Mab diyo, si ou tombe sou etude sa jodi a son pou kopran lot sak pase yo, mkonse yo retourne sou sit la, ale pran lot etude ki fet avan yo pou ke ou kapab genyen totalement toute étude là en non ou même pour avancer ensemble avec nous. Lorsque nous mettons main nous sous la Bible, nous mettons main nous tout sous le Christ sous une forme écrite. Ça veut dire. Le mettez même sous Bible là, c'est un coup de toucher Jésus. Le toucher la Bible. C'est un coup de toucher Jésus sous forme écrite, sous forme palpable. Donc, la Bible, la dernière fois, on t'a dit que la Bible, ce n'est pas un livre religion. Si vous avez besoin de religion, c'est Bible ou pas pour faire une religion, ou pas gagner sa Bible a vraiment bail comme élément super important. En pile religion, pour utiliser la Bible comme une couverture. Mais tout autant, on ne peut pas prendre la Bible pour s'allier ou quitter cette glosse sale, qui a changé glosse sale qui était dans le corps là. Et le ça, tout ça me connaît dans la religion, moi, tout ça me connaît dans le catéchisme, tout ça me connaît dans l'école du dimanche, moi, dans l'école du sabbat. Tout autant, c'est ça qui était dans l'esprit, on ne peut pas découvrir vraiment sa parole là dit. Parce que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça, le prophète Jérémie dit. On va joindre moi, il faut chercher à tout cœur. Donc, la Bible, ce n'est pas un livre. Et dans tout livre sacré, l'autre dit, la Bible, c'est une personne divine. Voilà, je dis, nous avons l'autre information. La Bible, le main, la Bible, c'est comme tu main Jésus. Donc, la Bible, pas un livre religieux. La Bible, c'est une personne. Donc, c'est pour ça, lorsque moi gagne contact à la Bible, il faut que mentalité me change. L'homme pour me connaître que là, je suis en présence d'une personne. L'homme fouille les yeux dans la Bible là, quel que soit, et on le n'a pas fait une étude ensemble pour nous, ouais, que dans la Bible, dans chaque livre dans la Bible, où est Jésus la donne. Donc la Bible, en fait, c'est une personne divine, c'est la personne du Christ. C'est pourquoi Jean 1er, verset 2 dit, « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc la parole, c'est Dieu. Pour nous comprendre ça, nous arrivons plus bas dans verset A, qui dit, « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. » Ça qui fait nous voir que parole là, en fait, c'est Jésus. Donc, le mettre même sous la Bible, c'est un coup de mettre même sous Jésus. Bon Dieu, pas qu'à bail menti. Donc, ça, on lit dans la Bible là, c'est bon Dieu qui a parlé, faut automatiquement moins faire Bible la confiance parce que Dieu ne peut pas mentir, par conséquent la Bible pas qu'a bay menti. Zamim, chita jodia ensemble avec sous point ça. La Bible pas qu'a bay menti. Parce que la Bible c'est Dieu qui a parlé avec nous. Si ou prend un verset dans mal sens li, ou retirer le côté ou doué mettre là ou mettre le nom l'autre côté ou faire verset à bas ou même sens pas, ça c'est pas problème pas bon Dieu. Mais lorsque ou comprendre verset à côté ou doit comprendre ni dans contexte pour doué mettre et l'heure où travail sous li m'bo garanti li pap menti la fè exactement sa l di la fè. Bon Dieu dit, lorsque un parole sorti nan bouche mwen, Esaïe 55 verset 11, parole sa, la pralè l fè kous li, mais la retourne vin jwenn mwen, le l fin fè sa m di l fè. Li pap tourne vide. Parce que lorsque bon Dieu parlait, il dit et la chose arrive. La Bible, frères et sœurs, pas capable de mentir parce que bon Dieu pas qu'a menti. Psaume 138, verset 2. Son verset, le nous lit dans sens li, li dit, bon Dieu mette parole li pi wo que même propre nol. Bon, on prend ça. C'est pour nous voir à qui niveau bon Dieu mette importance sous parole li. Le bon Dieu parle, parole li, c'est ça qui, c'est engagement. Le parler, parole li, c'est l'engagement l'avant. C'est pour ça, si li pas parler, fouillon bagay, li pa engaje nan bagay sa. Parol li se engajman. Somme 138 verset 2 di mwen, il met sa parole au-dessus de son nom. Li mette parole li, promesse li, piwo ke nan. Nan l'autre version apwe, piwo ke renomil. Pour montrer nous à qui niveau bon Dieu baille parole li importance. Faut que nous mettez exactement même niveau d'importance ça sous la parole de Dieu. Bon Dieu lui-même respecte parole là et moi dit non bagay. Verset ça capable permettre moi dit non yon bagay. Nous connaît bon Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Bon Dieu est tout-puissant, c'est ça la Bible a dit nous, il est le tout-puissant. Mais gagnen yon côté bon Dieu gagnen limite. Hey, tendez parole li, mais oui tendez chita. Bon Dieu gagnen yon côté li gen limite. Tout autant bon Dieu poko parler, li pa gen limite. Mais depuis bon Dieu dit yon mot, li respecte parole li. Donc parole qui sort dans bouche li, non seulement li c'est un commandement pour vous, mais li c'est aussi une limite pour bon Dieu. Bon Dieu pas fait un bagay qui contraire à ça li déjà dit, qui déjà écrit dans Bible qui la met en là. Il met sa parole au-dessus de son nom. C'est peut-être ça que fait, nous obliger nous-mêmes faire une petite investigation sur niveau parole là qui dans nous. Et l'homme parlait de niveau parole là, on parlait tout de niveau foi non, parce que la Bible, c'est lui-même qui permet de foi augmenter, il dit la ta parole une fois, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc ta parole est là pour augmenter la foi. Faut nous examiner foi nous. Ça veut dire faut nous examiner quantité parole qui n'en que nous que nous planter dans cœur et qui en mesure pour porter fruit de yon. Qui gens pour analyser foi, qui gens pour examiner foi, qui gens pour faire une petite investigation, une petite enquête sur la foi. Qui gens pour faire ça? Pour faire ça lorsque m'a considéré à qui niveau moi connais Jésus. À qui niveau me connais Jésus? Ça égale à qui niveau me connais parole. Lorsque je connais Jésus en tant que la personne, ça, cette personne-là, Jésus lui-même, lorsque je connais Jésus, ça va me niveau pour me connaître dans qui hauteur foi y est. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, qui gens pour moi examiner foi forme ou est connaissance moins de Jésus-Christ. Et qui j'en vous me connaît niveau connaissance moins avec Jésus, niveau connaissance moins avec Jésus, c'est qu'on a qui niveau moins fait bagaille au même Jean avec. Niveau connaissance moins de Jésus égale à qui niveau me fait bagay yo même Jean avec. Mais à qui niveau me suivre exemple, pas oublier tout objectif la Bible, c'est pour que le croyant ka vin tourner yon disciple et yon disciple accompli et tout disciple accompli sera comme son maître. Donc qui Jean moi à qui niveau gagnen et la foi dans Jésus, c'est à qui niveau moi connais Jésus. Et connaître Jésus veut dire faire les choses à sa manière. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Votre foi doit chita bien installée sous Jésus, sur la parole de Jésus, sur la personne de Jésus. Jésus expliquait ça dans Jean 17, verset 3, lorsqu'il dit, la vie éternelle, c'est que yo connais toi le seul vrai Dieu, et mon nouveau Yéa, Jésus-Christ. Donc, niveau connaissance moins de Jésus, déterminé à qui niveau m'gain la foi dans lui. Et niveau qui montre à qui niveau moins fait les choses, moins fait activité yo, moins fait bagay yo, même Jean-Christ, c'est pour ça l'apôtre Paul pour le dire, soyez les imitateurs de Dieu, moins fait bagay yo à la manière de Dieu, c'est ça Matthieu 6, 33 a dit. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. La justice, mot justice là, il la donne le mot juste, mot correct. Le ou juste ou correct ou droite. Ou fait bagay là exactement j'en dois faire là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et deuxièmement fait bagay yo correct Jean bon Dieu mandé là. C'est pas correct Jean religion pour la dit là. C'est pas correct Jean sentiment dit là. C'est pas correct Jean ou senti c'est dans sens ça ou bon ou fait le comme ça. C'est pas ça qui justice de Dieu. C'est pour ça le dit chercher le royaume et la justice de Dieu, pas façon pauvre pour faire lui. Mais faire dans façon pâle selon sa justice et toutes ces choses, toute l'autre ça n'a cassé tête non chercher dans la vie. Il dit lorsque nous cherchons royaume là et nous mettons nous dans même ligne avec ligne bon Dieu ya, la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour nous connaître à qui niveau foi nous y est, c'est pas connaître doctrine nous bien. Nous connaissons un pile dans nous qui connaissons sous douette nous tout point de doctrine nous yo. Quelque soit question me pose sur tel point de doctrine, gardez non. Ou bam ça glololo. C'est pas ça qui montre ma qui niveau foi mieux. Ça bam ma qui niveau moins et fidèle à religion, hein, moins fidèle à doctrine religion, hein, moins fidèle à enseignement religion, hein. Mais pour la foi dans Jésus, ça dépend de ça li dit fait dans Bible là et sans pas et pas aucun petit chemin découpé moins fait exactement ça le mandé pour le faire à ce niveau li vinn ferme confiance et une foi nous a marché l'a grandi comme ça l'a grandi ensemble. Donc pour connait niveau foi faut qu'on connaisse la justice de Dieu. Ça veut dire, mot justice là, l'expression, faut qu'on commence à habituer à l'expression ça. Chaque fois nous est la justice de Dieu, c'est pas ça nous fait. Mais la justice de Dieu, c'est dans qui position Jésus mettait nous. Lorsque nous en position ça, maintenant, automatiquement que nous en position ça, nous sommes capables de gagner, ça me relève la puissance qui agit en moi parce que je crois. Éphésiens pour expliquer ça. La puissance qui agit en nous qui croyons. Et lorsque moi crois dans sens ça, alors la foi me capable augmenter. Pour me connaître une doctrine, ça important, c'est pas c'est pas connaître doctrine sous deux droites mais lololo qui est important vous l'ai dit ça important c'est connaître la personne de Jésus et c'est ça qui est important donc connaître doctrine c'est pas juste connaître et tout ça que la donne mais c'est connaître dans qui monde ou quoi on capable quoi dans une doctrine et ça c'est important pour m'ta bien faire nous comprendre ça chaque doctrine que m'a enseigné gagnen une autorité derrière. Gagnen yon l'état des doctrines ça. Donc le quoi dans une doctrine à la racine moi quoi dans monde ça qui mettait doctrine. C'est pour ça qu'il faut me vérifier que avant moi prendre une doctrine pour me valer, avant de prendre une doctrine pour m'enseigner à l'autre monde, il faut me connaître source doctrine. Est-ce que c'est pas dans l'autre monde moins quoi? Ou est-ce que c'est dans Jésus moins quoi? Ça me garantit. Me garantit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si je crois là-dedans, moi crois dans bon Dieu. La Bible, c'est un comme des moyens bon Dieu. C'est ça que je comme point important, je vous dis déjà. La Bible, c'est comme si je touchais Jésus du doigt. Palpable, physiquement. C'est comme si je touchais Jésus. Donc, mettez niveau et niveau important ça de la Bible devant moi. Le mot la Bible, c'est tant qu'on te voit Jésus. Donc, si mon vie Bible là, Jésus dit, pas faire un bagaille, automatiquement, quel que soit, et samedi, ça me connaît déjà, quel que soit l'ambiance, donc on a dit, mon abdi, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est pas l'heure où prendre décision pour marcher fidèlement avec bon Dieu. Avec bon Dieu, tout, parce que Jésus va dire, tout l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire tout ça qui sortit dans la bouche de bon Dieu pour moi qui concernait m'obligeait à ranger la vie selon lui-même. Ce n'est pas selon pile doctrinio, mais selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, dans ce sens-là, nous pral gagner un petit problème qui pral résoudre, nous pas pral forcer yon moun pour croire yon bagay lorsque bagay ça c'est pas la Bible qui enseigne. Bon, me prendre ça me dire. Nous ouais, yon nan bagay qui fait en pile goumen dans religion, c'est parce que nous chaque a forcer l'autre là pour venir croire ça, nous nous croire qui c'est ça bon Dieu dire. Faut me dire non que lorsque moi gagner yon opinion opinion hein pas fait pas opinion hein, ben bien expliquer l'homme qui a une opinion pas obligé forcer un autre monde pour venir croire opinion là et lorsque son opinion liée soit m'a forcé mon nan pour le prendre mon nan pas le prendre donc on ça le café finalement li ka fait nous gourmet. C'est une preuve qu'il faut faire ouais ou gagne opinion ou gagne une parole moun une philosophie mais c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu lorsque elle est clairement définie dans la Bible là, pas un monde qui est capable de discuter goumen contre lui. Ou capable rejeter parole là totalement mais lorsque on dit on fait confiance à parole là mais lorsque ouais bagaille là devant c'est une vérité que la Bible a lui-même suffit pour convaincre ou pour faire ouais li le ça pas aucune discussion mais sous idée ya, ou pas qu'à joindre dans la Bible là pour montrer mais on tient ce que on croit c'est ça ou tient moi tiens c'est pas ça finalement bon garantie n'a goumen. C'est ça qu'il faut faire différence entre une opinion et une doctrine saine de la parole de Dieu. Donc, la loi dit yon bagay. D'amenons le verset ça. 1 Corinthiens 2, 24. 1 Corinthiens 2, 24 dit, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Car vous êtes ferme dans la foi. 1 Corinthiens 2, verset 24. Remarquez quelque chose ici. Verset a dit, moi, pas dominé sous la foi yon l'autre monde. Zamim, si, petite parole ça, car en ton côté dans le cœur, l'a évité ou bonne gourmet de Yahweh. L'a évité ou bonne chire pit religieux, seulement verset ça. 1 Corinthiens 2, 24 dit, pas gen yon moun qui domine sur la foi yon lot moun. L'apôtre Paul a parlé, il dit, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Tout ce qu'a fait pour le monde, c'est leur enseigner au monde, leur diriger au monde, c'est aider, contribuer à sa joie. Mais, ou pas capable forcer aucun monde en matière de la foi. Pas un seul monde qui dominait sous la foi yon l'autre monde. Parce que chaque monde doit gagner un dossier li avec bon Dieu personnellement. Femme d'où que nous n'en on course. Mais course nous y est là dans la course chrétienne. C'est pas une course monde qui arrive en vain. Pour retirer toute idée de compétition, toute idée de forcer. Mais c'est une course qui est là pour faire chaque monde faire sa ligue pour le faire. C'est le, quel que soit ton point pour arriver. Mais leur fait son gain pour faire, les doux, c'est bien bon et fidèle serviteur. Pas qu'un monde qui dominait sous la foi, yon l'autre monde. Malheureusement, nous gagnons un pile leader qui comprennent que c'est contraindre mon nom, qui comprennent que c'est forcer mon nom, qui a fait mon nom arriver sauvé, qui a fait mon nom arriver connaître bon Dieu. Pourtant, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pas besoin de forcer. C'est différence qui gagne entre mouton et l'autre qualité bête yo. Si m'ap mené yo mouton gon ou ban mouton m'ap mené à l'empâturage li, m'ap pas obligé gon fret derrière yo pour m'ap bat yo. Gade pour nous berger ya, c'est pour ça li dit l'Éternel est mon berger et Jésus dit je suis le bon berger. Le bon berger qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant. Bâton l'emmène pour éviter tout danger devant, mais il marche devant et les moutons connaît voix berger ya, et les moutons gen yeux sous berger ya, qui ça y a fait y a suivre moun qui devant yo. Mais sa Bible la vle dit le dit nous et l'Éternel est mon berger. Ça veut dire il devant nous, nous même faut que nous suive li. Naturellement, lorsque gagne un leader qui commence à marcher devant peuple a suivi. Sou wa bat tout monde pour faire suivre vous, bon problème de leadership là, c'est pas vrai leadership là. Sou wa forcer petit tout yo pour obéir. Bon garantie de pour pas là, c'est la débandade qu'il a. Un vrai leader qu'on est forcé exactement le pas là. Si c'est là ou là tout le monde obéit ou pas qu'on leader. Parce que quel que soit le ou pas là, compagnie a crasé l'amour. Donc, et le ça, si c'est comme ça, vous êtes obligé, pas jamais qu'à déplacer, ou vin esclave propre compagnon là. Mais un vrai leader, pas obligé là, pas obligé qu'il y ait aucune contrainte, sans effort, brebis suivre voie maître. Donc, c'est pour ça que nous devons mettre nous en position pour nous recevoir constamment la connaissance de la parole de Dieu. Pas oublier, lorsque nous avons cette connaissance, nous sommes libres. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand nous connaissons les paroles là, nous connaissons ces paroles là, automatiquement, la Bible dit nous établit. Nous connaissons qui moun nous croit et j'ai fermé, quelque chose à le nous lever, j'ai fermé, nous dit, non pas peur, n'a pas avancé parce que nous connaissons qui moun qui devant nous et il me conduit dans de verts pâturages. Donc, le m'a examiné la foi, m'a examiné la doctrine, moi, yo, mais m'a examiné la personne de Jésus-Christ. Bon, on va prendre ça. L'homme doit examiner la foi. Yo. M'pap examiner doctrine yo. Nous pas le voir devant pour qui raison? Parce que doctrine yo des dogmes, c'est des contraintes des fois qui gagne là-dedans yo, des plats. M'dis nous, c'est comme si mal non buffet. me choisis tel plat, me choisis tel autre fruit, me choisis tel bagage, finalement, me fait yon seul avec lui. Et ça, c'est yon plat le vinier. Mais c'est généralement, c'est ça, m'remè que m'vin fait le tourner yon dogme, yon doctrine, yon point d'enseignement. Même quand des fois, ça n'a pas rien à voir avec la Bible, moi, quitter la Bible là de côté, c'est là pour nous faire attention. Donc, examiner foi, nous, c'est qu'on est à quel niveau nous croyons en Jésus. C'est qu'on est à quel niveau parole Jésus a gagné priorité dans la vie, nous. Lorsque nous gagnons connaissance ça, alors nous fait ça nous relais, nous établit dans la justice. Nous établit dans la justice, ça veut dire nous gagnons une position qui est correcte par rapport à bon Dieu, par rapport à sa parole. C'est position, non. C'est ça que l'irélé, la justice de Dieu. Qu'on est justement justice là, qu'on est justement et position par rapport à bon Dieu, ça va le permettre que nous arrivions aboutis à tout ça que nous avons besoin faire dans la vie. Nous. Alors, pour examiner foi, m'obliger à examiner moi à qui niveau parole là y est dans cœur. Et pas oublier nous t'ai lu déjà dans Deutéronome 30 que parole ça est disponible. C'est pas dans ciel là m'va le voir chercher. C'est pas l'autre côté là mais m'va le voir chercher. Mais c'est au contraire une chose qui est dans ton cœur, près de toi et dans ta bouche, afin que tu la mettes en pratique. Lorsque j'ai connaissance là, il retire tout stress pour moi, il retire tout doute pour moi. Lorsque j'ai connaissance là, je ne suis pas confus encore par rapport à bon Dieu. Bon, font chita là avec nous. Lorsque bon Dieu là, pas de confusion. La Bible me dit, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Souvent, je vis dans une situation, je gagne confusion pour me connaître. Est-ce que vous m'avancez ou est-ce que vous ne pas avancez? Connais bon Dieu pas là. Lorsque je gagne connaissance, là, c'est ça la Bible là pour le faire. C'est pour ça, bon Dieu, veillez à ce que la Bible est disponible pour tout le monde. Lorsque je gagne parole là, je pas dans confusion encore. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est la lumière. C'est pour ça, et en nous courant dans le proverbe là, un petit moment. Proverbe, nous parlons, ouais, qui ça lui dit nous dans le sens ça? Proverbe, en nous lit Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3. Lui dit. En chapitre 4 là, avant ça. Proverbe chapitre 4, à partir de verset 11, il dit, je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, verset 12, important, si tu marches, ton pied ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction, ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-t'en et passe outre. Verset à 10, verset 12 là. Si vous marchez, pas gêné, et si vous courez ou pas trébucher pour tomber. C'est ça la Bible fait. Lorsque j'ai connaissance la Bible, je n'ai pas aucune confusion à propos de Dieu. Pour quelle raison? Parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Et l'autre verset, tout petit monde le connaît. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. lorsque m'gen connaissance ça, m'pa nan aucune confusion. Connaissance là pas une opinion, connaissance là pas là un bagaille qui a flotté un jour le bon, un jour le pas bon. Li pas là tant qu'un bout de bois qui sous l'an mais que vague là mène côté le veut aller, mais connaissance là son bagaille qui est là, qui ferme, qui établit tant qu'un phare. Phare là pas jamais déplacé. Côté le campé sous tête mon nan, sous tête roche là, c'est bateau wak pour ranger la ville, ranger le position par rapport à phare là. Mais il pas phare là qui déplacé. La Bible c'est phare là. La Bible c'est lui même qui pour empêcher nous tomber dans confusion. Donc c'est pas Bible là pour nous déplacer. Bible là doit rester côté là. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons le rocher des siècles, Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, c'est moi pour agencer bâton là, pour venir dans direction phare là, mais c'est pas phare là pour me demander pour le déplacer. Et si m'a déplacer phare là, facilement m'a craser parce que phare là là pour l'éviter, pour le faire m'éviter et tomber sous falaise yo, tomber sous rocher yo, tomber sous récif là dans la mer. Si me déplacer le jambe, j'ai un pile garantie pour me craser bateau. Donc, c'est difficile pour nous avancer lorsque nous en confusion. C'est même impossible même. Faut me dire nous déjà que depuis qu'il y a confusion, Satan là. L'apôtre Jacques pral dit dès qu'il y a confusion, dès qu'il y a un esprit un esprit de compétition. Lorsque il y a compétition dans Kaila, lorsque il y a une idée de compétition dans la famille, lorsque il y a une idée de compétition dans l'église, le texte là dit moins, il y a confusion et toutes sortes de mauvaises pratiques. Dès que il y a confusion, il y a toutes sortes de mauvaises pratiques. C'est pour ça, gain li plus facile pour moun prêcher des beaux petits messages sucrés, beaux petits messages sans nous pas rentrer à profond dans parole là, côté nous pas toucher caractère là. Vous voyez, bon petit message sucré yo, c'est petit message que tout le monde est passé sous tête tout d'Omeya, tout le monde d'accord, alléluia, louange à Dieu, nous content. Mais lorsque on rentre dans maman parole là, lorsqu'on va rentrer dans caractère, automatiquement, mon Dieu, non, et ça pas qu'à aller comme ça, vous comprenez, parce que automatiquement, ça boule. Mais il est important pour nous-mêmes, nous pas chercher des petits messages sucrés, des petits messages et bonbons sirop, mais pour nous prendre justement des messages, la parole de Dieu telle qu'elle est, pour que nous pas trébucher. Parce que lorsque nous n'avons pas nourri, nous sommes faibles. N'importe qui va la guenouate. Il faut nous monter plus haut lorsque nous avions commencé dans la turbulence. Et ça qui fait turbulence, c'est ce qu'on est. Toute doctrine, tout principe religieux, ce n'est pas moi qui suis bon, pas qui suis bon. C'est ça qui est bon. C'est moi qui découvre vrai. Donc, automatiquement, avec toute turbulence, ça y est, avion, pas jamais qu'à aller bien. Qu'est-ce que vous nous faire à ce niveau? Monter plus haut. Passer au-dessus. Parce que aigle, là, je me toujours songé à l'idée aigle. Là. Aigle, là, lorsque vent vanté, lorsque tempête a soufflé, lorsque il y a tout problème, ça, qui ça le fait lui-même? Ça le fait, il saute en bas, il bloque l'île, monte, il passe en la tempête là, il est arrivé en haut, il plane, il colle deux ailes, et puis, ouais, c'est vent qui a porté, il n'y a pas aucun problème encore, il monte puis haut. C'est comme ça pour nous y dans la vie chrétienne. Nous. Lorsque nous voyons turbulence, lorsque nous voyons pression religieuse, il y a paraître ça pour nous faire prendre Bible, râler pays, nous faire geste là, hein, nous tirer pays, et automatiquement, et paix ça nous gagne la qui est la parole de Dieu, lui-même nous baille toute autorité dans la vie, nous, qui ça l'a fait, l'a frayé chemin pour nous, pour permettre que nous avancer très bien dans la vie. Donc, dirigez-nous vers Jésus. Présentez-nous devant le trône de Dieu pour nous capables d'entrer en relation avec une personne, la personne de Dieu. Comment on fait ça? Dit simple, déjà dit nous, choisis parole. Parce que la Bible, le mettre même sur la Bible, c'est comme le mettre même sur Jésus. Choisis parole. Étudiez parole. L'homme qui pour me répondre au monde, me répondre par la parole. Mais sa parole l'a dit. Si m'gen pour me parler, me parler parole. M'gen pour me choisir parole là. Pour m'étudier, m'étudier parole là. Pour me répondre parole là. Là pour me parler parole là. Et parole ça mettez-li dans tête moi, dans yeux moi, dans oreilles moi et me fait les vin tourner style de vie, mode de vie, c'est la parole de Dieu. Et le ça moi prend la parole sans compromis. Me dit nous besoin yon l'autre monde aider nous pour nous dévier la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement claire, tellement simple. Bon Dieu son Dieu qui est simple. Mais pour rendre la difficile, ça prend un gros théologien. Pour rendre la difficile, faut prendre un gros chabrak, un gros docteur en théologie. Pour venir rendre bagaille la mêlée difficile l'amour, là ça va comme ça pour faire. Mais si on prend le plus simple, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. Si on prend tout simplement, le ça nous parle sans compromis, nous gagnons toute occasion devant nous. Pour nous faire la foi nous augmenter, la foi nous grandir. Donc, la parole de Dieu est tellement importante que la prière efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Lorsque on prend la parole qui est écrite dans la Bible, qui c'est la parole écrite, parole ça, faut que l'y tourne la parole vivante. Qui j'en la tourne parole vivante ça, faut prendre la Bible, la parole écrite, mettez-le sous yeux, mettez-le dans le cœur moins. Comment pour le faire entrer dans le cœur, faut parler parole là. Donc là, je prends parole écrite là, je parle, je vais tourner la parole vivante de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour que m'étudier la Bible là et pour me confesser parole là. C'est pour ça que ça fait la foi, les vini sous ça m'tendé. Faut que moi bon me dire non bagaille. Prends Bible, lis pour corps à haute voix pour oreille ou tendé ça dans Bible là. Et ça oreille ou tendé ya, c'est sous lit foi pour commencer pousser. Parce que pour la foi, pour ces fois ou tant d'elle, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. La prière, c'est la parole écrite, vocalisée. Bon, si nous sommes capables de noter ça pour moi, un petit côté, nous parle, ça va le permettre, là, nous allons étudier le sujet de la prière, ça va le permettre. Nous éviter raconter ou bonne bagaille dans prière nous yo. Mon petit définition bien claire sur la prière. La prière c'est prendre parole écrite là et mettez-le en parole vivante, mettez voix là-dedans. Fait voix ou vin tourner la voix de Dieu. Lorsque me prend parole bon Dieu, mettez-le en bouche moi. Ça sortit dans bouche moyen tournait la parole vivante de Dieu. Nous devons écarter nous de ça les gens disent, ça en bon monde dit, de ça que famille nous dit sous sujet à relation nous dit, nous disons déjà grand bon monde qui kembe yon li parce que c'est la donne nous lever, c'est sa famille nous te connaît, c'est la donne n'a mouri. Nous écartons de ça les gens disent, de ça relation nous dit, de ça même circonstance la vie a dit, pour nous remplir avec ça bon Dieu dit. qui c'est la parole de Dieu. On me prend ça. Le n'a prié, c'est pas raconter un bon bagaille. La prière, c'est prendre la parole écrite et vocaliser, mettre voix là-dedans. Et le vocaliser, il vient tourner la révélation de la parole de Dieu. La réma, mot grec là, c'est réma. Le logos, la parole écrite, deviendra la réma, la parole vivante ou la révélation, la parole parlée. Donc, écarter ça moun dit, écarter ça mes relations disent, écarter ça les circonstances de la vie dit, et remplis comme constamment par la parole de Dieu. Ça, c'est yon un plus gros secret qu'on t'a capable de gagner. L'intégrité de la parole. Mettez parole là en priorité dans la vie. Babylien nous dit déjà, bon Dieu, mettez parole les plus haut que propre non pâle. Donc, si m'pas qu'à quoi ça la Bible dit, pas qu'à quoi bon Dieu non plus. C'est à ce niveau importance là doit y devant yo. Si pas qu'à quoi sa Bible a dit ya, on met garantie pas quoi sa bon Dieu dit parce que seul moyen pour me connaître sa bon Dieu dit c'est la Bible. C'est passé par la parole. Passé par Jésus. Et comment Jésus nous parle? Par la parole. La parole de Dieu puisque li pas qu'à échouer. L'important pour moi utiliser yon bagay que me connaît pas qu'à échouer. Faut me suspendre place confiance moi dans des choses passagères, des choses qui capable échouer pour mettre plus gros niveau confiance moyen dans la parole de Dieu, ça me connaît qui sûr et qui pas jamais échouer. En réalité, frères et sœurs, en pile fois, nous voyons la religion qui ça le fait, lui cacher bon Dieu. Lui pas parler clairement de bon Dieu. Lui banon des petites informations sur Dieu. Lui banon des belles discussions à propos de Dieu. Mais, résultat, moi le banon une image pour nous comprendre résultat. Résultat, c'est ça, nous relais dans le domaine agriculture qu'on y a des plantes génétiquement modifié. Lorsque je prends plante là, malé dans semence là, dans formule semence là, modifier, changer, ça me changer, hein? Pas ben moins. Fouim de douil gagné. En réalité, la religion cachait bon Dieu. Li pas parlé même Jean bon Dieu encore. Li pas mon ban moins toute vérité sous bon Dieu. Li ban moins yon Bible déchristianisé. C'est comme d'un café décaféiné. Li ban moins yon Jésus, yon christianisme sans Christ. Donc, la religion, c'est ça le fait, li modifier la Bible, et l'homme dit la religion, me parlait de exactement ça, de toute religion. Lorsque me parlait du christianisme comme une religion, me parlait justement de toute confession religieuse. L'homme dit toute, me voulait dire toute. Bon, me rester là un petit moment. L'homme dit toute, me voulait dire toute. Religion yo modifié Bible. Yo ban moi yo Bible qui gagne un gros chèque ou Bible qui gagne en pile parole, yo ban des programmes qui gagne en pile chèque sou yo tant qu'on va manger un mango gagne en pile chèque m'a manger yon melon sans pépin en pile chèque mais c'est génétiquement modifié, il n'y a pas aucune vitamine qui pour nourrir le corps, il remplit le corps. Le à l'église là pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, l'on tourne ou tourne full. Mais on fout la parole sans pas nourrir spirituellement. Sans la foi, on pas grandi. La parole de Dieu, elle est faite pour couper ce qui est mauvais en vous. C'est pour ça que le texte l'a dit, non, de Timothée 3, toute écriture est faite pour non seulement instruire, mais pour corriger. Corriger, c'est couper ce qui n'est pas bon dans la vie. Mais religion, on retire partie ça et liban moins un produit religieux qui est toujours correct, qui est toujours bon. C'est peut-être ça qui fait l'important pour nous pas transformer Bible à religion, nous pas transformer Bible à Jean nous ouais bagaille là, mais nous quitter c'est la Bible même. Qui nous remarquer pour qu'ils ont pris un temps comme ça plutôt fait ou ban étude sous lit mais pour nous connaître nous chita sur yon bagay travail ça que n'a fait en fonction d'Haïti en fonction de d'enseigner la bénédiction de l'Éternel en Haïti ou même qu'app tendez nous là à partir de Sitsa la BEAH ou même qu'app coûter message ça c'est pour nous disons ça déjà, ou même tendel, méditer, nourrir, faire l'autre monde tendel, faire frère tendel, zami tendel, grand nous parler langue nous connaissons, créole là, pour que grand moins, quel que soit côté lié, li capable de comprendre parole là. Ce qui est important, ça gagne, lorsque mon parole, qu'il en même sans pas comprendre. Ça pas fait un yé, parce que bon Dieu, nous te voyons déjà dans une étude nous yo, il dit, moi vle que vérité a, pas sous table à kaywa, mais vérité a dans cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, c'est là, pour nous, pas prendre une religion qui coupe tout ça qui vitamine là, pour juste ba nous, ça capable rempli nous en sans pas nourri et l'œil fait ça m'a dit nous parole en pilio pas transformer la vie nous parole en pilio dans religion yo mais ça yo fait yo permettent nous conformer nous à institution religieuse là mais yo pas transformer nous mon information en pile fois nous conformer nous à aux institutions, mais nous pas transformer. Jésus voulait le contraire. Il veut la transformation. Qui ça le dit, Romains 12? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que nous venions arriver à reconnaître sa volonté, bon Dieu. Ouais, objectif là. C'est par le renouvellement de l'intelligence. Même j'en suis au roi, l'homme qui était en bas de l'eau. L'eau a tombé là-dedans, l'eau a tombé là-dedans. À force, moi j'étais dans la volonté de Dieu, finalement, m'a vine sensible à la voix de Dieu et m'a capable arriver distinguer ça bon Dieu voulait ça qui bon ça qui agréable pour lui et texte l'a dit ça qui parfait. Voilà frères et sœurs l'importance de la Bible dans votre vie. Jésus dit ayez foi en Dieu. Même verset ça dit, ayez la foi de Dieu. Donc, pour me gagner la foi de Dieu, il faut que je prenne la parole de Dieu pour me mettre dans le cœur. Lorsque je suis dans une situation pour me choisir, il faut toujours poser cette même question. Qui ça, bon Dieu, dit sous ça? Ça, là, petite question, ça, c'est lui qui vous permet de détecter tout danger. Quel que soit côté moi arrivé, faut me arriver dans un moment pour me dire qui ça bon Dieu dit sur ça. Faut me arriver dans une situation dans la vie hein, ou décision pour me prendre. À force m'tende parole là, à force m'habitue à parole là, pour que ça vienne naturellement dans bouche moi, depuis une grosse situation me fait face, que dit Dieu à ce sujet? Qui ça, bon Dieu, dit sur ça? Mais de vous, ou gen mais la donne ou dans danger. De vous, tendez, vous dit bon, ok, la Bible dit ça, mais de vous, tendez, vous non, ça, ras le corps parce que c'est danger. La Bible doit être la priorité, le mot final. La Bible dit, punto, point final. Donc, façon qui est plus facile pour Satan, pour le faire nous accepter n'importe qui bagaille, c'est prendre bagaille ça, fourrer l'en religion. Bon, le dire non bagaille là. Gon série de bagaille que nous fait, une série de bagaille que nous accepter fait, nous fait seulement parce que le prêcher dans la religion. Si nous retirer le dans la religion, mettez le dehors, nous pas fait. Mais si c'est dans l'église là, il dit n'a fait. Ça ce niveau religion en puissant. En pile fois, nous font série de bagailles parce que nous tendez la foi vient de ce qu'on entend. Nous tendez au prêcher dans l'église. Et moi dis nous, si Satan besoin de détruire nous, qui ça l'a fait? La prend parole, il voulait nous faire, les fourrer nos religions, et depuis le prêcher en dans l'église là, ou même ou a fait. Alors, Zamim, on va finir l'étude là aujourd'hui pour nous dire ça. Les Saintes Écritures, c'est pas un livre qui pour bah nos théories, c'est pas un livre et de science. Ce n'est pas un livre qui l'a pour banon des mythes, des blagues boukiak malice, des blagues titonton. Mais la parole de Dieu, la Bible, c'est une révélation de Dieu, de son plan, de ses objectifs pour nous-mêmes et pour toute race humaine qui vivent quel que soit côté à sur la terre. Donc la Bible, ce n'est pas pour les chrétiens qu'elle est écrite. La Bible est écrite pour tout le monde, quel que soit le monde, de pour gagner deux pieds, ou gagner deux mains, ou gagner une tête, une bouche, une main, ou deux yeux, ou qu'à parler, ou gagner deux oreilles, ou qu'à attendre. De pour c'est un être vivant, un humain, un homme, une femme. La Bible là, les concerne. Quel que soit dans religion, il y a qu'aux musulmans, qu'aux shintoïstes, qu'aux bahaï, qu'aux chrétiens, qu'aux judaïstes, la Bible destinée à l'homme. La Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous songez, et Salomon lui-même le dit dans Ecclésias, crains Dieu et observe ses commandements ou sa parole, c'est là ce que doit tout homme. La Bible, c'est pas un livre qui a des idées sur la théologie, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre d'histoire qui a une histoire sur n'importe quel sujet, mais c'est la révélation de Dieu. La révélation de son plan, objectif que le gagne pour nous, petite li, à travers tous les âges et pour toute la race humaine. Colossiens 2, 8, m'a fini, l'elle dit, prenez garde, la prochaine fois, nous allons continuer avec verset ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde pour ne pas quitter aucun monde séduit nous avec belles paroles, belles philosophies, belles idées, belles doctrines, belles dogmes, qui chita non pas sous la parole de Dieu, mais sous la tradition des hommes. Fais en pile attention, mettez Bible en priorité dans la vie. Nous prenons temps, nous, là, dans l'espace côté nous hier, là, nous pas pressé, nous n'avons pas pressé tout, parce que là, c'est la vie qui a construit. Mettez parole là a priori nan priorité dans la vie ou et veiller pour pas quitter aucun monde pour passer par son engraisse et frire ou valer ou mais yo ouvrir sous parole là pour capable détecter les pièges du mal. Que le Seigneur vous bénisse et la prochaine fois nous allons continuer pour nous voir qui ça la Bible a capable fait le différent dans la vie nous. Amen.